J'avais toujours voulu connaître le monde sans intermédiaire et ouvrir mes fenêtres à tous les vents et mystères. Je ne distinguais le mal dans aucun être sur la terre, ni les désirs cannibales de ces hommes au cœur de pierre qui ne pensent qu'à posséder, te polluent l'atmosphère et t'empêchent de respirer. Je voyais dans le ciel les anges priant pour l'humanité, et j'aurais trouvé étrange que même un seul être au monde fasse mine de leur ressembler pour faire des choses immondes sans la moindre pitié. Méfie, méfie-toi, ne les laisse pas faire. Ils se moquent de nous sans en avoir l'air. Méfie, méfie-toi, ils savent tellement bien faire. Ce ne sont que des loups, des voleurs de prière. Ce ne sont que des loups. Jamais je n'aurais voulu croître dans ce monde privé d'amour, plutôt m'enfermer dans un cloître pour le restant de mes jours. Si personne n'avait su me prévenir du triste pouvoir de leur trop beau sourire, je me serais laissé séduire, désarmer, démolir, dévorer, anéantir sous les plans amers de leur amour. Méfie, méfie-toi, ne les laisse pas faire. Ils se moquent de nous sans en avoir l'air. Méfie, méfie-toi, ils savent tellement bien faire. Ce ne sont que des loups, des voleurs de prières. Ce ne sont que des loups. Méfie, méfie-toi.